نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، dans la Muqaddima, donc vous avez sûrement, pour ceux qui ont peut-être fait attention, ici dans le livre c'est écrit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Un stylo. Là, en vérité c'est Ya ayyuhannas, pour ça que je dis tiens, il y a un problème. Donc ça peut arriver que des fois on retrouve dans des livres, des erreurs, comme ici. Ils ont mis Ya ayyuhalladhina amanu à chaque fois. Donc on va voir, Inch'Allah, on va parler ensemble sur des points qui ont à voir avec taqwa, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La crainte, subhanahu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Déjà, on voit déjà dans les versets qu'ici, Khutbat al-Haja, on revoit à chaque fois, Ya yuhalladina amanu, Ya yuhalladina amanu. Et donc, dans le verset aussi, donc après, et le verset encore après, à chaque fois. Et pourtant, c'est les versets qu'on retrouve à chaque fois, donc dans les débuts des khutbah. On retrouve dans l'introduction d'un dars ou d'une khutbah, justement, ces trois versets-là. Les versets qui parlent justement de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Abbas il dit par rapport à Al-Muttaqoun, Al-Taqwa il dit Al-Muttaqoun hum al-mu'minuna alladhina yattaquna shirka billahi wa ya'maluna bita'atihi. Donc Ibn Abbas il dit rahmallah radiallahu ta'ala anhu wa an abihi, il dit Al-Muttaqoun, donc ceux qui craignent, ce sont les croyants qui craignent l'associationnisme, qui craignent d'associer Allah et qu'ils mettent en application donc la religion. Ya'manuna bita'atihi, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala kadhalik, toujours lui, huma alladhina yahdharuna min Allah 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min al-huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima ja'a bihi. Donc il dit c'est ceux qui ont peur donc du châtiment d'Allah Azza wa Jal parce qu'il délaisse ce qui est connu de la guidée. Faqat fi tark ma ya'rifunahu min al-huda. Ils connaissent que ça ne fait pas que la religion, mais ils le délaissent. On a déjà une preuve de Abu Bakr Siddiq qui disait qu'il avait peur de le s'égarer s'il délaisse une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et lui le délaisse. Il connaît, mais il ne veut pas le faire. Ou bien il ne le fait pas tout simplement. Il le délaisse. Il a peur que cela soit le début d'un égarement. Donc ils ont peur, ceux qui craignent Allah. Et ils espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal en considérant comme vrai véridique. Donc ceux qui est amené dans l'islam. وقال الحسن البصري رحمه الله المتقون الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وَدَّوُوا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ. Hassan al-Basri dit, dans la définition des Muttaqoun, ce sont ceux qui ont craint, donc qui le craignent, ce dont Allah Azzal leur a interdit, et ils mettent en pratique ce que Allah Azzal leur a ordonné. وقال الكلبي المتقون الذين يجتنبون كبائر الإثم. Ceux qui craignent, ce sont ceux qui ont délaissé les grands péchés. Donc on trouve plusieurs définitions différentes. وقال قتادة المتقون هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Donc Qatada dit, ceux qui craignent, ce sont ceux dont Allah Azzal mentionne dans ce verset. Donc il montre leurs attributs ou leurs caractéristiques dans ces versets-là. Ceux qui croient en l'invisible et ils accomplissent la prière et de ce que nous leur avons octroyé, ils donnent. Ceux qui croient en ce qui a été descendu avant toi, ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi, et ils seront certains du jour dernier. Donc ils sont certains de l'akhira. C'est pour ça que l'ulama disent que l'iman ou bil-ghaybi aslu l'iman. C'est pour ça qu'ils disent la croyance dans l'invisible, c'est l'origine de la croyance. Parce que c'est le premier verset qui parle de croyance dans le Coran, dans le surat al-Baqara. Alladina yu'minuna bil-ghaybi. وقال غيره المتقون قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة. Et d'autres savants ont dit, ceux qui craignent, ce sont justement donc des gens qui ont craint le shirk, l'associationnisme, et le fait d'adorer donc les statues, les idoles, et ils ont été sincères dans leur adoration envers Allah. Donc il y a plusieurs tafsir, les mandarités qui se rapprochent toutes, elles ne sont pas donc différentes les unes des autres. C'est chacun en vérité avec son expression. Ce sont que les expressions en vérité qui seront donc différentes. Donc, Awliyaullah, Hum al-Muttaqoun. Les élus d'Allah, ce sont eux réellement ceux qui craignent. C'est pour ça qu'Allah dit In Awliyaouhu illa al-Muttaqoun. Donc, certes, ces élus, ces alliés, ne sont que ceux qui craignent. Illa al-Muttaqoun. Wa illa yufidu al-Hasar. Donc, il a en vérité bien montré qu'il n'y a que eux, pas les autres. Il n'y a que celui qui craint Allah qui est vraiment élu d'Allah. Celui qui ne craint pas Allah ne fait pas partie des élus d'Allah. C'est pour ça qu'il a dit Illa. Et celui qui connaît la langue arabe, il sait ce que ça veut dire. Il sait que, donc, là, Illa, comment il sera placé. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, kataba al-rahma lil-muttaqin. Lorsqu'il dit ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Ma miséricorde a englobé toutes choses et je vais l'écrire pour ceux qui craignent et qui payent la zakat et qui croient en nos signes, en nos versets. يؤمنون يتقون ويدفعون. Donc ce sont eux. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala aussi mentionne que ces élus, ou plutôt ceux qui craignent, donc justement ces élus, donc la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Nulle crainte pour eux, nulle peur pour eux, et ils ne seront pas attristés. Et annahum yu'minun wa yattaqun, car ils croient et ils craignent. Allah dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Donc n'est-ce pas que, donc Allah dit Allah, n'est-ce pas, donc, ça montre déjà donc, que c'est sûr, que certes les serviteurs d'Allah, nulle peur pour eux, et ne seront pas attristés, ceux qui ont cru et qui ont craint. Allah dit Amanu kanu yattaqun. Wala khawfun alayhim fi al-istiqbal ou yani fi ma ba'd wala hum yahzanun. Quand est-ce qu'on a tristé de quelque chose qui est passé? Et quand est-ce qu'on a peur de quelque chose qui risquerait d'advenir? Vous voyez? Donc ils ne craignent pas, en vérité, du fait de rencontrer Allah Azza wa Jal dans le sens où ils mettent en pratique. Et aussi ne sont pas attristés du temps qu'ils ont passé, parce qu'ils ont passé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, ils ont dit que la personne ne pourra pas vivre normalement si elle a dans le cœur la peur et la tristesse. Celui qui vit avec la peur et la tristesse, de quelle façon il va vivre? Imaginez-vous un peu. Il va vivre en réalité donc de façon très difficile. وقال عبد الله ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وقد رواه الحاكم وبزار وأبو نعيم الديلمي وابن الصعيد عن ابن عباس مرفوعا وصحه شيخنا الألباني. Donc il parle justement comme quoi qu'Ibn Abbas et d'autres ont dit que les élus d'Allah, ce sont ceux que lorsqu'on a été, donc ils se voient les uns envers les autres, ils se rappellent d'Allah Azza wa Jalla. Que lorsqu'ils se rencontrent, ce sont eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ils prononcent des bonnes paroles entre eux. Et sahih qui est sahih. Sabil ou taqwa. Comment maintenant arriver au taqwa? On peut utiliser le mot mille fois, mais c'est vrai que si on ne sait pas comment arriver, ça ne va pas servir à grand chose. Sabil ou taqwa. Donc la voie de la crainte. Allah dit Ya yuhal nas. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc c'est العبادة, tout simplement. La voie de la crainte, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ô gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, celui qui a créé ceux qui est avant vous, en espérant que vous allez atteindre le degré de crainte, de piété, hein, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. اعبدوا العبادة. Ce pourquoi on a été créé. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils demandent. Aussi, la même chose, on le retrouve dans d'autres adorations. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété, la crainte. Le jeûne, Ramadan. Donc, le but du jeûne, c'est qu'on va arriver à quoi? À un niveau de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله يدي دونك. Prenez ce que nous avons donc descendu, ما أتيناكم, c'est-à-dire ce que nous avons donné donc comme livre, avec force, بقوة. Donc prenez au sérieux ce que Allah vous a demandé. Prenez en vérité au sérieux et mettez en application et évoquez ce qu'il y a dans ce Coran afin que vous atteigniez la piété. Donc il nous demande ici une œuvre et aussi donc de se remémorer et en vérité de lire donc abondamment et de réfléchir dessus. Et aussi il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il y a donc dans Al-Qisas, dans les sentences, de la vie pour ceux qui sont doués de raison, en espérant que vous allez craindre. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Voici donc ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les voies qui vont donc vous diviser et vous séparer de la voie. Voici donc une recommandation afin que vous craigniez. Voyez donc toujours la'allakum tattaqun, c'est toujours à la fin. Enfin, d'arriver en vérité à cette voie-là. Suivez en vérité le chemin de l'islam. Donc bien sûr, il y a encore d'autres versets qui montrent cela. Qui montrent en vérité donc cela. C'est bien donc par rapport à l'ibad. C'est pas par rapport à l'ibdia. Et on a vu par rapport à tout à l'heure au verset. Hein? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Il a la même chose. Falaysa tattaqwa bil ibdia. المظاهر الخادعة وإنما سبيلها العبادة الحقة والصيام وتمسك بما أوتي المؤمن من شرع وعدم اتباع السبل المفرقة بل تطبيق شرع الله عز وجل وأحكامه وتطبيق شرع الله وأحكامه كالقصاص وغيره. فالتقوى إيمان وعمل وهذا ما تدل عليه الآيات المتقدمة. Donc la crainte, ce n'est pas par les prétentions ou juste un aperçu. Hein, on arrive en vérité à cacher, à passer donc avec on va dire, un accoutrement qui va faire croire qu'on est justement des gens de la piété. Mais en vérité, le vrai chemin de la taqwa, c'est l'adoration. Véridique, comme le jeûne, hein, le fait aussi d'être assidu, de s'accrocher à ce qui nous a été révélé. Donc justement, de croire à cette charia et de ne pas suivre les autres voies, celles qui vont nous justement nous diviser et autres, comme les règles, hein, après ça c'est sentence ou autre. Car justement, la foi c'est quoi? Le taqwa, la crainte, c'est la foi et l'acte. C'est ce que tous les versets nous ont prouvé ça. Que la foi, la crainte, elle va être donc, elle va être quoi? Elle va arriver, on va l'obtenir que par l'acte. Voici en réalité donc la vraie façon d'atteindre donc justement le taqwa. Maintenant on va voir mazaya et taqwa. Mazaya et taqwa, donc ses valeurs. Hein, ou plutôt donc on va dire par quoi elle va se démarquer. Mazaya, c'est par le fait qu'elle va se démarquer par quelque chose. Donc ici Allah a dit walau anna ahla al-kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannati an-na'im. Si seulement les gens du livre croyaient, donc les juifs et les chrétiens croyaient et craignaient, on leur aurait effacé leurs péchés et on les aurait rentrés dans des jardins donc qui sont en vérité délicieux, où il y a énormément de grâce. Donc ici Allah il demande bien aman wa taqaw, qu'ils croient et qu'ils craignent, parce que tu vas croire avec ton cœur et tu vas craindre par les actes. Walau annahum amanu wattaqaw la mathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Allah dit aussi dans un autre verset, si seulement ils croyaient et craignaient, la récompense auprès d'Allah est meilleure, si seulement ils le savaient. Et Allah dit aussi, il dit aussi walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatun min as-sama'i wal-ard. Et là on devrait réfléchir sur ça. Si réellement les gens de la terre croyaient et craignaient, donc on leur aurait ouvert des bénédictions, on leur aurait donné des bénédictions des cieux de la terre, le barakat, hein, que ce soit dans tout type, donc dans le temps, dans les biens, dans tout ce qu'on dirait la barakat, dans les enfants et la khélib. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala montre toujours par rapport à ce que va démarquer justement la crainte, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Si réellement la personne craint Allah, Allah va lui donner une issue de secours. Il va lui faciliter en vérité ces choses. Et il va lui donner de la subsistance de là où il ne s'y attend pas. Min haythu la yahtasib. La yahtasib. Il y a un shir. Donc il passe sa vie à enseigner les gens le Coran. 5-6 dars dans la journée. Du sauf jusqu'au Ba'd al-Isha. C'est-à-dire en général avant ou après chaque prière. Pas comme ça. Plusieurs. Dans Majd Nabawi et dans une petite mosquée à côté, dans deux mosquées, et à l'école, parce que le matin il est prof. Donc on connaît, donc il est vieux, 90 ans, mais donc il a vécu en Afghanistan. Jeune, il est parti pour l'Arabie Saoudite pour apprendre. Clandestin à pied. Ils l'ont attrapé, ils l'ont rejeté. Il est revenu, mais il apprend, c'est sérieux, il apprend et il enseigne. Jusqu'à ce qu'il vit une petite demeure super simple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait que enseigne le Coran, il enseigne donc aussi des bases de religion qui sont bien. Et puis jusqu'à ce qu'un jour que ceux qui arrivent d'habitude, donc Allah lui facilite, donc il arrive à avoir la nationalité, une facilité pour rester dans le pays, ainsi que donc il vit dans une petite demeure, très très très simple. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc lui donne une subsistance. Lui il n'est pas au courant. Donc les gens le prennent pour le ramener chez lui, comme on l'a coutumé, le ramener le soir. Et puis on l'a déposé devant une maison, pas loin, donc dans le même quartier où il habitait. Une maison, neuve, faite. C'est un été, c'est ta maison. Il craint en bas, donc regardez Allah, qu'est-ce qu'il lui donne. Il lui donne de là où il ne. Parce que lui, il ne recherche pas la dunya, il est occupé à enseigner le Coran aux gens. Et Allah lui a donné, tiens, les clés, une maison. Ça, c'est pas comme ça. On sait que c'est. Parce que justement, c'est pour ceux qui craignent Allah ce matin. Parce que ces gens-là ne sont pas esclaves de la dunya. C'est pas eux qui courent après, mais c'est la dunya qui court après. Voici réellement les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Aussi celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter les choses. Donc des fois il y a la baraka. On voit il y a des gens, ils sont mubarak. Hein, comme Isa. Isa alayhi salam, donc il dit bien que j'ai été béni de là où j'étais. Là où j'étais, donc j'ai été béni. Et on retrouve des fois des gens, c'est comme ça. Ceux qui ont parcouru beaucoup de temps avec des gens comme Shirin Lebez, Rahmatullah Ali, il dit, subhanallah, où ce qu'on faisait avec nous, il y avait toujours la baraka. Et des gens comme ça, Allah a décidé que ces gens-là seront mubarak. Qui auront en réalité, donc, Cheikh Ibn Baz, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un grand savant, Rahmatullah Ali, qui est mort il y a une dizaine d'années, un grand savant d'Arabie Saoudite. Et ceux qui le connaissent bien, donc ceux qui le connaissent savent très bien donc sa grande générosité, donc son grand cœur et la khairie. Et Allah il met dans ce genre de personnes, donc extrêmement quoi, donc les élus d'Allah, donc la baraka. كذلك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Donc celui qui craint Allah, Allah lui efface les péchés et lui augmente, lui multiplie la récompense. Il le multiplie la récompense. Donc non seulement les péchés sont effacés, et l'autre donc hein, il s'est effacé, et l'autre côté il y a quoi? Il y a autre chose qui vient, une grande récompense. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. Et ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé, donc ils obéissent à ce qu'Allah leur a demandé, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il nous a appris. Et il craint Allah, et donc il yarcha Allah, donc il le craint. Ça, c'est, donc c'est la peur. Le khashia, c'est la peur, c'est le khouf ma'al ilm. C'est la peur, mais avec la connaissance. Il connaît Allah, donc il a peur avec une connaissance. Et en plus, s'il craint Allah, ce sont eux réellement, ce sont eux qui vont réussir, qui auront la réussite. Et le faux, c'est la réussite. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah dit dans un autre verset. Et craignez Allah en espérant que donc que vous serez bien heureux dans le sens où vous allez, en vérité, vous allez donc réussir ou le falah. Donc c'est justement donc la grande réussite. Le faux c'est en vérité le fait de gagner. Et le falah c'est le fait de réussir. Wattaqullah la'allakum turhamun. Et craignez en espérant que vous allez recevoir de la miséricorde. Donc la crainte c'est une façon de d'être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce qu'on voit, on a eu donc takfir et sayyi'at. Hein? On a eu donc le fait que les péchés vont être effacés. On a eu le fait que la récompense auprès d'Allah elle est meilleure. On a eu le fait que les barakas, elles vont venir des cieux et de la terre. On a eu que on va recevoir du risque. De là, on ne s'y attend pas. Hein? Des fois, Allah nous descend des choses, on ne s'y attend pas. Ça peut arriver à des gens. Comme ça. Là, je vous ai donné quand même des grands exemples. Mashallah. Pour avoir une maison, comme maintenant il faut travailler. Si c'est pas des fois, donc on sait ce que ça veut dire. Hein. Les choses sont facilitées, la récompense elle est multipliée. Il y a donc aussi une réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Une grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal et aussi donc bien sûr une réussite qui est sûre. Et aussi Allah Subhanahu wa Taala lui-même dit qu'il sera, donc il va être proche et il va protéger donc ceux qui craignent. Donc il dit bien. Donc il dit bien, wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, et sachez qu'Allah est avec ceux qui craignent. Pourtant, lorsqu'on voit ces versets-là, on voit qu'on a affaire au verset où il y a de l'animosité. Ça peut être même des fois dans les djihad. Pourtant, là, il nous demande de craindre Allah. Il nous demande de le craindre. Donc c'est que ce soit dans les moments difficiles ou des moments d'aisance, la crainte elle reste la crainte. C'est pas parce qu'on est donc voilà, c'est pas parce qu'on est dans les moments difficiles que ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Là. Ça ne veut pas dire ça. Donc, justement, il y a beaucoup de versets où on voit donc, la crainte d'Allah ce matin-là. Et Allah dit aussi Inna Allah ma'a alladina taqaw wa alladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui ont cru, qui ont craint, et ceux qui sont bienfaisants, les muhsinun, ceux qui font les bonnes choses. Alors que, quoi de meilleur que d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quoi en vérité de meilleur que d'être proche d'Allah Azza wa Jal? Donc, ce qu'Allah nous demande de craindre, et aussi donc d'être bon. Et Allah donc aime ceux qui craignent. Bel men awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Certes, celui qui respecte son pacte, qui respecte en vérité son engagement et a craint, certes Allah aime ceux qui craignent. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث أوتنتيك رابورتي بار الإمام مسلم دي إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخافي إن الله تعالى يحب العبد التقي الغني الخافي قلت المراد بالغني غني النفس غني النفس كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي هريرة ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس والخفي المنقطع الى العباده. Donc il dit certes Allah aime le serviteur qui craint, qui est riche Et qui est khafi. Khafi, en vérité, c'est donc celui qui est un peu comme s'il est discret, on va dire. Celui qui est discret, il est khafi. C'est comme si on ne le voyait pas. Donc, le rani, qu'est-ce que veut dire ? C'est le riche. C'est-à-dire qu'en vérité, lui, il n'a pas besoin des autres. Ça ne veut pas dire que spécialement il a, donc, parce qu'il y a un hadith où le prophète a expliqué bien qui est donc le rani. Il dit le rani, ce n'est pas celui qui a donc énormément de biens. Imaginez-vous une grande maison, imaginez-vous donc énormément de biens. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas, le compte en banque. Mais en vérité, c'est celui qui est à l'aise. Rani un-nefs, il n'a pas besoin des autres, même s'il a peu. Donc il est bien comme il est. Hein, comme il est. El khafi, c'est celui en vérité qui adore beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam, shaykh, barakallahu fikum. والمقطع الى العباده سلو vérité qui donc adore beaucoup le khafi. Voici en vérité donc cela. Et puis certes Allah azza wa jalla aussi est élu donc allié de ceux qui craignent. Inna dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Certes les injustes sont alliés les uns des autres et Allah est allié de ceux qui craignent. والله يتقبل من المتقين. Donc il dit bien subhanahu wa ta'ala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Certes Allah accepte de qui? De ceux qui craignent. Celui qui craint et qu'il fait donc une bonne œuvre, Allah accepte de lui, que ce soit par rapport à l'immolation comme par rapport à ce verset là, parce que le verset là est venu par rapport à ceux qui donc donnent pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc certes Allah donne parce qu'il y en a qui a gorgé, Allah a accepté de lui, l'autre qui a gorgé, Allah n'a pas accepté de l'autre. Donc il accepte de son serviteur qui est sincère dans l'acte. Allah accepte de ceux qui craignent. Naam. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla accepte l'œuvre du musulman que si l'œuvre est pour Allah Azza wa Jalla et qu'il est bien fait. Il faut qu'il soit quoi? Donc sincère. L'œuvre doit être sincère. Ça c'est la première chose. Si c'est pas sincère, si tu le fais pour que les gens te voient, parce que tu veux avoir une renommée, sache que ton œuvre ne sert à rien du tout. On parle par rapport aux adorations. Ton œuvre ne sert à rien. Tu veux donner un peu d'argent, si tu ne donnes pas ce que tu veux qu'on parle de toi, tu n'as rien gagné. Donne-le pour Allah, parce qu'Allah te l'a demandé. Donc tu donnes par obéissance. Et aussi Allah Azzawajal, donc, a donné et a préparé des bonnes choses pour les croyants, pour ceux qui craignent. Voilà darul akhirati khilul ladina yattaquna afala taqilun. Et la dernière demeure, donc le paradis, est meilleure pour ceux qui ont craint, qui ont craint. Est-ce que vous n'allez pas donc réfléchir? N'allez-vous pas réfléchir? Donc on avait aussi donc par rapport au verset tout à l'heure, donc rahmati wasi'at kulla shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun. Et ma miséricorde donc englobe toute chose et je vais l'écrire à ceux qui ont craint. Donc tu profites de la miséricorde et en plus de la maison de la dernière demeure. Wala ajrul akhirati khayrun lil ladina amanu wa kanu yattaqun. La dernière récompense, la récompense donc dernière de l'au-delà, est bien meilleur pour ceux qui ont cru et qui ont craint. Et qui ont arrêté, donc qui ont craint. Aussi, donc, Tilkal jannatu allati nourithu min ibadina man kana taqiya. Voici donc le paradis que nous donnons en héritage à nos serviteurs qui étaient donc justement pieux, qui étaient pieux. Voilà, akibatu les taqwa. Et la dernière, l'akibatu, c'est la fin. La fin sera justement pour ceux qui craignent. Voici donc il y a encore bien sûr donc énormément de preuves par rapport à cela. Énormément en vérité de preuves par rapport à cela. Donc je vais bien sûr donc passer pour arriver à un autre chapitre. Donc c'est beaucoup énormément aussi de preuves qui parlent des paradis et à chaque fois qu'ils mentionnent le taqwa, la crainte. Les actes, le paradis, la crainte. Énormément. Maintenant, on va parler donc des sifat, des qualités de ceux qui craignent. Sifat al-muttaqin. Donc ici, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Uddat lil-muttaqin. Et empressez-vous vers les bienfaits, donc vers la misère, vers plutôt le pardon de votre Seigneur et le paradis dont la largeur est comme les cieux et la terre. Et qui a été déjà préparé pour les croyants. Uddat. Donc le paradis existe déjà, il est déjà préparé. L'enfer existe déjà, il est déjà préparé. Mais bien sûr, personne n'y est encore. Personne n'y est encore, n'y vit encore. Ça sera donc après le jour dernier. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين ضاء العمران. Et empressez-vous donc, on l'a lu, ceux qui donnent donc de leurs biens, donc qu'ils soient en facilité ou qu'ils soient en difficulté. Ils ne donnent pas parce qu'ils ont beaucoup. Ils donnent même si en réalité ils n'ont pas grand-chose. Ils sont capables de donner. Ce n'est pas ce qui leur fait peur. Et ils retiennent leur colère. Et ils pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Il donne, il retient sa colère. Il fait quoi? Il pardonne. Allah Azza wa Jalla donc aime cette catégorie de personnes. Wa Allah yuhibbu al-muhsinin. Et ceux que s'ils font un péché, un quelconque péché, ou ils ont commis une quelconque injustice envers eux-mêmes, ils se souviennent d'Allah, zakarullah, fastaghfirou dhunubi. Ils demandent pardon à Allah de leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne continuent pas dans ce qu'ils font alors qu'ils savent. Ils ne continuent pas dans ce type de péché. Ils le délaissent totalement. Eux auront la récompense, donc le pardon de notre Seigneur et des paradis, dont hein, sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront donc éternellement. Et voici donc et quelle belle grâce la récompense de ceux qui mettent en application. Donc ici on a, on a eu 5-6 fêtes. Le fait de donner dans l'aisance ou dans la difficulté, le fait de retenir sa colère, le fait de pardonner les gens, le fait de demander pardon pour les péchés, et le fait aussi de ne pas continuer dans les péchés. 5 points. Et cela on va. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, donc wa uzli fat al-jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awwab hafiz man khashiya ar-rahman bil ghayb wa ja'a bi qalb munib. Donc voici donc le paradis s'est approché de ceux qui craignent, il n'est pas loin. Donc voici en vérité voici en fait ce qui a été promis donc à tous ceux qui reviennent et qui protègent, Hafiz, et qui protègent, donc qui reviennent vers Allah Azzajal par l'adoration, Wahabin, ils demandent donc il y a une tauba, il y a aussi un retour vers Allah, c'est le retour donc vers Allah Azzajal, ils se protègent. Ceux qui craignent le miséricordieux dans l'invisible, Bil Ghaib, eux ils craignent Allah Azzajal pas seulement devant les frères, ou pas seulement devant les gens, mais en réalité donc ils craignent Allah là où ils sont, là où ils sont. Hein? Crée Allah là où tu sois. Et il revient avec un cœur donc repentissant. Il va vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur qui est repentissant. Donc bien sûr, il y a encore ici donc, d'autres versets par rapport à cela. On retrouve ici donc d'autres versets toujours par rapport à cela. Donc ici, par rapport au verset, donc le fait de revenir vers Allah Azza wa Jalla, tauba, le fait de donc premièrement, donc tauba, de repentir, s'éloigner des péchés. Deuxièmement, hifz, protéger en vérité l'ahd. C'est-à-dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, donc réellement, sois sincère dans ce que tu prononces. Si tu as décidé de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est un ahd. C'est un mithaq. Le verset où il y a le mithaq, le verset où il y a l'ahd, ce qui veut dire le tafsir, ça veut dire la ilaha illallah. Muntaha as-sawab, c'est la ilaha illallah. Toutes ces paroles-là, le tafsir veut dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc on ne le délaisse pas comme ça, on ne joue pas avec. Troisièmement, crainte d'Allah Azza wa Jalla en secret. Alors que personne ne te voit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, avoir un cœur saint. Et un cœur, bien sûr, qui est donc humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avili devant Allah azza wa jalla. Donc après, bien sûr, il y a encore d'autres, et il parle justement par rapport au verset qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, lorsqu'on a parlé de Qiyam al-Layl avec le dars d'auparavant. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidhin ma ataahum rabbuhum an. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يعشهون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Donc vous voyez, certes, ceux qui craignent auront des paradis et des jardins, ruyun, ou plutôt des ruisseaux. Donc ils ont pris ce que leur Seigneur leur a donné, donc ils étaient avant cela, bien sûr, donc des bienfaisants. Et après, ici, Allah il montre qui sont les bienfaisants. Donc, ils dormaient peu la nuit. Et la nuit, ils demandaient pardon à Allah Azzawajal. Et dans leur bien, il y a un droit pour ceux qui demandent. Il y a des pauvres qui demandent, qui font la charité, ils leur demandent. Wal mahroum, celui qui n'a pas les moyens. Wal mahroum, puisqu'il n'est pas en vérité capable, peut-être, parce qu'on ne sait jamais ce sera handicapé ou quoi, il n'est pas capable d'aller chercher les biens. Il est interdit. Ou alors, il ne doit pas nous descendre, il y a un risque. Enfin, on l'aide. Donc, ici, ou suit par rapport à ce verset, donc il y a quoi? Donc, il y a toujours ça. Donc, il y a aussi donc, le fait de faire des bons actes. Donc, ils prennent ce que Allah leur a donné. Donc, c'est-à-dire, une fara'id. Lorsqu'Allah leur a ordonné de prier ou quoi que ce soit, ils l'ont fait de comme il le fallait. Les piliers, par exemple, ils les ont respectés à la lettre. Ils ont fait du bien. Et donc, ils ont essayé d'œuvrer de la meilleure façon. Ils ont aussi donc prié la nuit. Ils ont aussi demandé à Allah de pardon la nuit. Et bien sûr, ils ont payé leur zakat pour les pauvres et autres. Donc, on a vu donc plusieurs sifats. Il y a encore plusieurs versets à chaque fois qu'il s'y fait. Il mentionne ici donc les sifats. Et donc, on va prendre donc, parce qu'il y a beaucoup de versets, on va prendre un verset donc ici qui est Laisat birra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib. Walakin al-birra man amana billah wal-yawm al-akhir. والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه وموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. Donc le bir, c'est un mot qui englobe en vérité toutes les adorations. Le bir qui veut dire en vérité la piété. Elle va englober toute l'adoration, toutes les adorations possibles. Donc la piété n'est pas juste le fait de tourner ou bien de faire que vos visages font face au Mashrek, donc à l'Occident ou à l'Orient, ou à l'Orient ou à l'Occident, mais plutôt la piété c'est de croire en Allah, c'est celui qui croit en Allah, et au jour dernier, et aux anges, et aux livres, et aux envoyés, et il donne de l'argent alors qu'il aime cet argent. Wa atalma ala hubbihi, tu aimes. Les bienfaits, ça ne t'empêche pas de faire du bien. Zawil Qurba, donc ceux qui sont proches. Wal Yatama, les orphelins. Wal Masakin, généralement on voit souvent que les Yatama ils passent avant. Donc les orphelins, parce que les orphelins ils n'ont pas de. Je peux être pauvre mais avoir des parents. Mais je peux être orphelin, c'est pire que d'être pauvre. Parce que moi j'ai des parents avec qui que j'aime, ils m'aiment, donc il y a un profit. Il y a au moins donc quelque chose qui. Je veux dire, ces affections elles sont là. Tandis que celui qui n'a pas de parents, il est pauvre du côté affectif. Et ça fait c'est pire qu'en vérité, c'est pire que le fait de ne pas avoir d'argent. Parce que l'affection, il ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'Allah nous demande d'être bon avec eux, surtout avec les orphelins. Parce qu'ils ne connaissent pas cette affection. Nos enfants passent une journée avec nous et profitent de notre affection. Eux, ils ne connaissent pas toute leur vie, des fois, donc ce que tu connais comme bienfait dans une journée. Alors que dire de toute ta vie avec tes parents? Vous comprenez? Vous voyez la différence un peu qu'il y a dans le domaine affectif. Donc, les orphelins, les pauvres, et ceux qui sont en voyage, ou à ça peut arriver, ça nous arrive, on l'a déjà vu ça plusieurs fois, hein, que des gens voyagent, et subhanallah, donc ils n'ont plus d'argent, ils ont besoin de prendre le train, ils ont besoin de prendre l'avion ou quoi, et les musulmans, alhamdoulilah, ils vont justement donc les aider. Ils vont leur payer leurs zakat. Ou bien ils vont les aider à voyager, à rentrer chez parce que cette personne puisse entrer chez elle. Donc ils vont lui payer par exemple son billet ou autre. Hein? Et ceux qui demandent, parce qu'ils n'ont pas. Donc ça ne veut pas dire que tous ceux qui demandent ne sont pas bien. Parce qu'on peut demander si vraiment on est dans la grande misère, c'est trop difficile. Hein? Donc le mieux c'est pas demander. Mais c'est pas interdit de demander. Parce que Allah il dit ben wasa'ilin, et ceux qui demandent, donc aussi, donc après il passe. Donc on a vu ici les droits des gens, et après sur la prière, la zakat, ceux qui promettent, ceux qui tiennent leurs promesses lorsqu'ils ont donc promis quelque chose, ceux qui patientent dans la difficulté, hein, dans les moments difficiles, hein, donc dans les épreuves, et au moment où la difficulté elle est encore plus forte, hein, ce sont eux qui sont réellement véridiques et ce sont eux ceux qui craignent. Voici un petit peu. Quand on voit ce verset-là, il va compléter quoi, énormément de choses. Donc là, croire en Allah. Donc c'est là, il est à l'Allah. Le fait de reconnaître que les anges existent. Hein? Alors, on sait que les anges, ils sont quoi? Généralement, ils sont intermédiaires, ambassadeurs entre toi et Allah. Ça? il te protège, il note ce que tu fais, il a fait. Allah les a choisis en fin de compte pour hein, qu'ils œuvrent pour l'homme. Généralement, c'est ça. Aussi, la croyance aux livres qui sont descendus des cieux. Et le dernier, c'est le Coran. Et comprend toutes choses. Et est venu donc rendre caduque tout ce qui est venu auparavant comme livre. La croyance qu'on a envoyé, du premier au dernier. Et on croit en tous. Et on ne fait aucune différence pour dire qu'ils viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, le fait de donner de l'argent, donc ça c'est quatrièmement, cinquièmement, le fait de donner de ses biens. Alors qu'on aime, et on veut devenir riche, et on a peur de devenir pauvre, et pourtant on donne. Hein? On est sahih, shahih. Tu es sahih, shahih. Dans le sens que tu aimes l'argent, shahih, et tu es sahih, parce que tu voudrais donc, tu vois, alors tu es en bonne santé, l'akhir. Et pourtant tu vas donner, bien sûr tu fais profiter donc ta famille, qui passe bien sûr parce que c'est les premiers à recevoir de ta sadaqa, donc tes enfants et l'akhir, mafalem. Donc aussi la même chose, les yatama, donc les orphelins, parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, les pauvres, parce que les pauvres ne trouvent pas la suffisance, hein, donc lui il est miskin, donc ici, donc ils sont miskin, miskin c'est celui qui n'a pas de suffisance, il n'arrive pas à terminer son mois, c'est un miskin, et le fakir il n'a rien, parce qu'il y a le fakir, il y a le miskin, le miskin il a quand même quelque chose, mais c'est pas suffisant, ça n'arrive, donc il ne peut, après, il n'arrive pas à économiser jamais. Et des fois, on va voir même qu'il ne peut-être qu'il termine pas, comme on dit, les deux bouts. Il n'arrive pas à joindre plutôt les deux bouts. Mais le pauvre, il n'a rien. Donc le pauvre, c'est pire. Le fakir, c'est pire que le miskin par rapport à la langue arabe. C'est en réalité donc un cas plus grave. Et celui, comme on l'a dit, donc, qui n'a plus d'argent, on aurait pu lui voler quoi, alors qu'il est en voyage, il n'a plus de sous. Donc il ne sait pas comment rentrer chez lui. Et ceux qui demandent. Donc aussi le fait de prier hein, comme il le faut, sixièmement. Donc comme il le faut. Iqamatu salat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que prier comme il le faut, à son heure, avec comme il le faut, en étant humble. Donc vous voyez, en récitant comme il le faut, on met les mots à sa place, c'est la khairie. Donc justement, les prières qui vont être réellement acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De prier sa zakat, pourquoi on l'appelle zakat? Parce que tu zakki, el-baqi. Zakat c'est quoi? En vérité, zakat, il y a du mot teskiya. Teskiya c'est purifier. Parce que alors, si Allah t'a donné de l'argent, donc lorsque tu vas payer 2,5% de tes économies, il t'en reste 97,5%. Donc ces 2,5% vont purifier les 97,5%. Ils vont les nettoyer. Et ceux qui ne payent pas, Allah il va tout souillir. Et ceux qui n'ont pas payé, ils ont déjà reçu, ils savent comment ils sont. Ils ont des fois des malheurs, ils ne savent même pas d'où ça vient. Parce qu'en réalité, ils ne payent pas. Il a cru gagner parce qu'il n'a pas payé. Il y a qui n'en va être Allah a tout. A sali cet argent par une perte, par ceci, par cela. Il n'y a pas de baraka. Contrairement justement à l'argent qui est payé comme il le faut. Donc c'est le fait d'en vérité nettoyer. C'est pour ça qu'on dit teskiyatun nafs. Alors qu'on dit teskiyatun nafs, donc tahrisuha min al-akhlaq ad-dani'a. Teskiyatun nafs, donc purifier son âme, c'est justement de se débarrasser des mauvais comportements, des comportements bas et vils. Et aussi là on a vu aussi donc huitièmement al wafa'u bil uhud ou al wa'ud, donc justement donc le fait de tenir ses promesses. Neuvièmement al sabru fi hal al faqr wa hal al marda wa saqm wa hal al qital wa mulaqat al a'da. Patienter lorsque tu es pauvre, lorsque tu es malade, parce que tu as atteint, donc éprouvé par une maladie, dans les moments difficiles, ou même dans les combats. Donc en fait, ce sont eux qui craignent vraiment, qui sont sincères dans leur foi. Parce qu'ils ont réellement, eux, quoi? Ils ont réellement concrétisé la foi qui provient du cœur. Ils l'ont concrétisé en réalité comme il le faut. Et la foi, elle vient du cœur. Elle démarre du cœur. Et elle va être prouvée. La foi démarre du cœur, mais elle ne s'arrête pas au cœur. Il y a des gens qui viennent nous dire, la foi, elle est là. Ça, on est d'accord. Mais pourquoi on ne la voit pas dans ta langue? Pourquoi on ne la voit pas dans tes gestes? Parce que n'est-ce pas que Hatta, on a toujours dit, quand quelqu'un était bon, même avant de faire la prière au corps, on disait toujours, lui il a bon cœur parce qu'on le voit qu'il est bon. Qu'est-ce qui nous a permis de dire qu'il était là bon cœur? C'est pas parce qu'il ne faisait pas des bons, justement il avait des bonnes manières, il était gentil, il était, que des bonnes choses. Donc on dit il a bon cœur. Parce que ça démarre de là, ça. Mais automatiquement, ça va influencer. Parce que le cœur, c'est le moteur. Ça influence quoi? Les membres et la langue. Voilà. Donc ici, bien sûr, il y a encore une fois, hein, comme on a dit, donc énormément de sifat. Al-Muttaqi akramu insanin inda Allah. Celui qui craint, c'est donc le plus noble auprès d'Allah. Akramu. Il sera le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin aw untha. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir. Ô gens, nous vous avons créés d'hommes et de femmes. Et nous avons fait de vous des tribus et des peuples, ou des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Donc automatiquement il y aura des relations. Dans sa région, il y a de la soie, dans ma région il y a du sucre. Il y aura des échanges. Hein? Ça là, là, peut-être dans sa région il y aura des plantes que j'ai besoin pour me guérir. C'est des choses comme ça. Alors il a fait que ça se passe comme ça. Dans sa région il y a des fruits que j'ai pas, ou des trucs que j'en ai besoin. Vous voyez? Donc il y a des choses qu'on a besoin, ça c'est comme ça, des ta'arafu. Mais certes, le plus noble auprès de vous, auprès d'Allah, le plus noble de vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous, celui qui craint le plus d'entre vous. Et certes, Allah est quoi? Savant, khabir. Donc alimun khabir. Il est savant et il sait tout. Alimun khabir. Donc il est savant et il sait tout. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu comme ça. Hein? Et Allah a même fait, parmi donc, une parenthèse, Allah a fait, c'est quoi une durée de vie en général, de façon générale, de légumes ou de fruits? C'est pas long, c'est quelques jours. Ça, là, tu laisses un fruit comme ça, tu reviens, laisse une tomate, hein, reviens le lendemain, on va voir que c'est 2 jours après, surtout si c'est un peu chaud, comment la cause va tenir. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi la hikmah, les sagesses que ces fruits-là donc, périssent rapidement, c'est que si elles ne périssaient pas comme ça, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait un gros problème de stockage. Il y aurait un gros problème de ceux qui stockeraient, ceux qui l'auraient vendu beaucoup plus cher. Hein, et il y aurait eu donc peut-être beaucoup de guerre par rapport à ça. Donc au contraire, ils sont pressés de quoi? De les dilapider pour que tout le monde puisse en profiter. Au contraire, ils veulent que tout le monde en ait, que tout le monde ait. Ça là, parce que si c'était, si tu avais une pomme et que 27 ans après elle ne bouge pas, ben, tu pourrais la vendre beaucoup plus cher. Donc ça serait beaucoup plus difficile pour les gens à acquérir ces choses-là. Parce que ça deviendrait une denrée qui coûterait, comprenez, beaucoup plus cher. Alors que c'est une denrée qu'en général on a besoin de manger tous les jours par exemple. La nourriture, on en a besoin tous les jours. Ça, c'est parmi les hikam, c'est qu'elle pourrit tout de suite. Et comme elle pourrit tout de suite, hein, donc justement, on est obligé de quoi? Et les gens, ils ne vont pas la garder, ils préfèrent de façon générale les dilapider, ça vient les vendre partout. Voilà. Sinon, ça serait différent. Ça serait comme l'or ou autre chose. Imaginez-vous un petit peu. Donc que les riches pourront en profiter ou je ne sais pas. Donc il y aurait beaucoup de problèmes. Ça, c'est parmi les hikam, c'est parmi les sagesses. Donc, fatafadulu, indallah bittaqwa, la bil ahsab. Et puis, c'est vrai, ici, Allah Azzal, donc, il montre. Il a parlé de peuple, il a parlé de tribu. Et dans ça, il montre bien que là, ceux qui sont mis auprès d'Allah, c'est qui? C'est ceux qui craignent, et ce n'est pas celui de telle tribu ou de celui de tel peuple. Tu peux très bien vivre en plein cœur de Paris et être meilleur que quelqu'un qui vit à Mecca. D'accord? Le contraire. Ou. Donc, il n'y a pas une tribu meilleure que l'autre, de façon générale. Je veux dire, par rapport, on ne va pas dire que automatiquement ce nom-là il doit être. Non. Mais simplement les gens, donc ils seront différents. Il y aura sûrement dans cette tribu des meilleurs, dans l'autre tribu des meilleurs, et ainsi de suite. C'est comme ça. Lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. حديث أبو هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن يعني معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. Donc regardez, et ça c'est important justement à l'époque des Arabes chez eux, c'était très important chez eux. C'est qu'on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit quelle est la personne la plus gentille, donc la plus noble. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, le plus noble d'entre eux c'est le plus pieux d'entre eux, celui qui craint le plus. Ils ont dit, on ne te pose pas la question sur ça. Il dit donc, Le plus pieux d'entre donc des gens, c'est Youssouf, un prophète d'Allah, fils donc du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de Ibrahim, donc fils de Khalid de l'Amiatine d'Allah, donc fils d'Ibrahim. Donc on est dans donc Ibrahim, Yaqub. Donc on descend, hein, donc le Ishaq, Yaqub et l'Akhiri, on descend jusqu'à ce qu'on arrive à Youssouf. Donc c'est pas sur ça qu'on pose des questions. Et après le prophète il a compris ça, on a dit ah, on pose des questions donc sur les tribus des Arabes quoi. Il dit naam, parce qu'à l'époque on sait que chez les Arabes telle tribu était meilleure que telle, donc il y avait une suprématie directe. Quraysh, donc ils étaient meilleurs que un tel. Il y avait des nobles parmi eux. Il y avait donc, on va dire, du, comme ils disent, donc des nobles, des notables, et l'akhiri. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le meilleur d'entre eux, fait le jahiliya, donc avant l'islam, était le, donc est le meilleur dans l'islam s'ils comprennent, s'ils ont compris réellement l'islam. Et qu'est-ce que ça veut dire, fakhiyarum? Ça ne veut pas dire que le plus méchant. Mais en vérité, ça veut dire en vérité, celui qui était, malgré qu'il n'était pas avant l'islam, il avait déjà des bons comportements. Othman, par exemple. Il ne buvait pas d'alcool, même avant l'islam. Il a dit, pourquoi je vais, ça fait encore, il dit, lorsque l'on pose la question, pourquoi tu ne bois pas? Il dit, pourquoi je vais donc faire disparaître mon acte? Lorsque je vais boire, donc ma raison va partir. Et lorsqu'elle va revenir, elle ne va plus revenir intacte. Pour lui, le fait de boire, elle ne peut plus revenir normale, c'est plus intact. Ne serait-ce que déjà, tu sais que tu as bu. Rien que ça, déjà, donc, c'est déjà quelque chose qui va tourner dans ta tête. Tu as commencé à bu. Tu connais ce péché-là. Hein? On sait bien que le premier péché, quand tu l'as fait, quand tu es jeune, tu sais ce que ça te fait. Tu te sens avoir passé une. Hein, tu as franchi une barrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu as franchi une barrière, donc pourquoi? Parce que tu te sens autre, déjà. Et donc il se dit déjà le cerveau, déjà quoi? Déjà le cerveau, il va plus revenir normal. Il t'est intact, je l'ai complètement, donc. Hein, j'ai fait disparaître mon cerveau, mon acte, dans le sens où j'étais sous, j'étais ivre, je ne sais pas ce que je fais. Mais lorsque je reviens à la raison, non, c'est ça, elle ne peut plus revenir, c'est-à-dire à intact 100% pour lui. Comme c'est ça. Autrement, il disait ça. Radiallahu anhu. Donc, vous voyez un petit peu comment donc, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, il dit Andur fa innaka lasta bi khaynin min ahmar, wa la aswad illa an tufaddilahu yani bittaqwa. Fatafaddilahu bittaqwa. Oh, non. Tufaddilahu bittaqwa. Regarde, donc, certes, tu n'es pas meilleur qu'un rouge ou qu'un noir. Sauf si en vérité tu vas le devancer par la crainte. Donc tu vas être meilleur que hein, quelqu'un qui est d'une autre couleur que toi, que par la crainte, mais pas par ta couleur. Donc la couleur n'a rien à voir. Le rang social n'a rien à voir. La lignée n'a rien à voir. Mais c'est en réalité par rapport à tes actes, et tes, par rapport à ton cœur, par rapport à tes actes et par rapport à ta langue. Enfin, ces trois points-là. Donc il est bien sûr Karim indallah subhanahu wa ta'ala. Le taqi afdalun nas. Donc, قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ On questionne le prophète صلى الله عليه وسلم qui sont les, quelle est en vérité la meilleure des personnes. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه وما مخموم القلب. قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. Donc on a dit quelle est la meilleure des personnes. Il dit celui donc il y a un cœur mahmoum, après on va voir l'explication de mahmoum. Et, donc un cœur en vérité sain, un cœur propre. Et il a une langue véridique. Il dit, une langue véridique, on connaît. Mais qu'est-ce que veut dire en vérité mahmoum? C'est-à-dire un cœur mahmoum. Il dit, c'est celui qui craint, celui qui est pur, qui n'a pas de péché. Et aussi, il n'a pas d'animosité envers les autres. Il ne cherche pas à trahir, hein, la rive, il n'est pas d'antise, et il n'a pas de jalousie. Il n'est pas jaloux des gens. Il n'a pas dans son cœur justement la haine ou cette jalousie ou le fait de vouloir faire du mal aux gens. Donc il dit c'est les meilleurs des personnes. Là on a avoir affaire à quoi? On n'a pas entendu parler de salat, on n'a pas entendu parler de zakat ou quoi, on a entendu en réalité parler de comportement, un cœur. Hein, donc c'est parce qu'il y a bien un hadith du prophète, c'est qui dit bien. Donc certes, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ashtarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Certains ne regardent pas vos images, comment vous êtes, ou bien vos corps, mais il regarde vos cœurs. Qui veut dire en vérité donc que c'est le cœur qui doit être d'abord qu'il faut travailler. Les efforts à faire, c'est dans son cœur. Donc repousser hein, ce qui est mauvais du cœur. Les repousser. Combattre justement les défauts qu'on a. Combattre en vérité les défauts qu'on a. La même chose par rapport au pardon. Il y a énormément de versets qui montrent que c'est bien donc de pardonner. Et subhanallah, ce verset-là, Ils sont presque tous pour. C'est les versets du divorce. Ils sont longs. Naam. Versets du divorce. Parce que souvent, quand les gens divorcent, ils ne divorcent pas en général avec calme, malheureusement. C'est toujours divorce de guerre. Ah là là, c'est souvent tac, tac, tac, c'est chaud. C'est souvent des moments où la passion, elle passe avant. On n'arrive pas à se retenir, à pardonner, à ceci. Même si on divorce, même si on se sépare, mais se séparer de façon. Tasrih bi ihsan. Comme Allah le demande, donc de la laisser partir en toute bonté. Et trouver donc des arrangements, spécialement s'il y a des gosses. Spécialement si on fait des gosses. Et tous ces versets-là, Allah Azza wa Jalla, tous les versets où il y a le divorce, Allah mentionne la crainte. Il nous demande de craindre, parce que justement on a besoin de. Il appuie sur la crainte. Donc il appuie en vérité donc, sur la crainte. Donc il dit bien, وَاِنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى. Si vous pardonniez, cela va dire, sera plus proche de la crainte. Il dit bien après, وَلَتَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ الْبَصِيرَ. Afin de montrer, donc il rappelle quand même, n'oublie pas les bienfaits qu'il a eu entre vous, car certes Allah en vérité est clairvoyant de ce que vous avez fait. Donc il nous repousse à la crainte, à l'arrêt dans le moment de difficile, comme le moment de divorce. Non. Donc on voit. Non, on voit en vérité. Regardez. Il y a une sourate qui s'appelle Talaq. Il y a une sourate qui ne parle que du divorce. Hein? Mais pourtant, dans cette petite sourate, Allah il mentionne 5 fois la crainte. 5 fois le mot crainte est mentionné dans la petite sourate du divorce. Talaq. Et aussi d'être juste. Al-Adlu. D'être équitable. Hein? Alors il dit bien, « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil-qist. Wa la yajrimannakum shana'ana qawmin an la ta'dilu. » يعدله هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô ceux qui ont cru, soyez donc justes, soyez équitables, et soyez en vérité témoins en toute vérité. Si tu témoignes quelque chose, ne témoigne pas en faveur de celui que tu préfères, mais dis la vérité, ne mens pas, sois véridique. Et ce n'est pas parce qu'un peuple a fait du mal qu'on ne doit pas être juste. Donc que le mal d'un peuple ne pousse pas à être injuste. Soyez juste car la justice, c'est la. Donc c'est justement, c'est cela qui sera le plus proche de la crainte. Et craignez Allah, certains Allah donc, est réellement au courant de ce que vous faites. Ici on a, quoi, dans ce verset on a deux fois de taqwa. Les taqwa ou taqwa. Il nous parle de crainte et il nous ordonne de craindre. Deux fois. Donc. Deux fois le mot est mentionné dans la seule verset. Voyez un petit peu, c'est pour appuyer. C'est justement pour appuyer. كذلك البر وانا لا تنا في دونك البر aussi ليس البر بان تتوب بيوتا من ظهورها ولكن البر من التقى donc la crainte ce n'est pas par le fait de passer par les maisons par derrière comme ils croyaient donc avec leur superstition les arabes de rentrer par derrière dans les maisons mais la crainte c'est donc c'est bien celui qui craint donc la piété c'est bien celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les envoyés, ce sont eux qui ont en vérité, qui sont le summum de la crainte, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Donc lorsqu'Allah mentionne Yahya, donc il lui demande de prendre le livre avec force, c'est-à-dire qu'on va appliquer comme il le faut, respecte ses enseignements, et nous lui avons donné le hukm, donc là, le fait de pouvoir en vérité donc juger comme il le faut, alors qu'il était petit, sabiya. Donc déjà, dès qu'il était petit, donc il a reçu déjà donc, ce qu'Allah a décidé de lui. Et aussi donc Hanana, une compassion donc, par rapport à ses parents de sa part. Et bien sûr, donc, il a été purifié et il était quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on, par rapport à ça. Voilà dija abel sitri et wa saddaqa bihi fa ulaika hum muttaqun. Celui qui vient avec la vérité, donc il est véridique dans cela, ce sont eux en vérité ceux qui craignent. Ce sont eux en vérité donc ceux qui craignent. Et puis Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ana atqakum lillah wa a'lamukum bi hududillah. Je suis celui qui craint le plus Allah et celui qui connaît le plus donc les hudud, c'est-à-dire les sentences d'Allah, donc les lois d'Allah dans tout en vérité. soit dans le Hajj, que ce soit dans ça, que ce soit dans ça. Même chose, les compagnons aussi, ce sont les gens de la crainte. Et Allah l'a dit. Lorsqu'il a dit donc, par rapport à la ilaha illallah, cette parole-là, kalimatut taqwa, ça veut dire dans le tafsir la ilaha illallah. Il dit donc, فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Donc Allah a descendu sa sérénité envers son envoyé et envers les croyants qui étaient donc les compagnons à cette époque. Il leur a obligé la parole de crainte, كلمة التقوى, qui veut dire la إله إلا الله dans le tafsir. Et ce sont eux les plus méritoires de cette parole, parce qu'en réalité c'est eux qui ont mieux compris cette parole, et ce sont eux les gens de cette parole. Donc nous on profite de quoi par rapport à ça? Bon, on n'a qu'à suivre les compagnons, parce que c'est eux qui connaissent mieux l'Aïd Allah. Nous on veut mieux comprendre l'Aïd Allah, on n'a qu'à faire comme les compagnons, ils ont fait, pour justement arriver à, parce que c'est Allah qui dit de ça. Ce sont les gens les plus méritoires de cette parole-là, et les gens de cette parole. Wa kana Allahu bi kulli shay'in 'alima. Et certes Allah est, bien sûr, savant sur toutes choses. Donc certes Allah veut les savants sur toutes choses. Et comme il dit Saïd ibn Jubair, tous les tefs mufassirin, il dit tout ce que kalimat al-taqwa c'est la ilaha illallah. Que ce soit Ibn Kathir, Ibn Jarir al-Tabari ou d'autres. Et qu'est-ce que veut dire haqqa tuqatih? Justement on va arriver à ça par rapport à... Parce qu'on entend tout le temps taqullah haqqa tuqatih. Donc on va terminer par ça. Hein, comme il commence à être tard. Donc ya yuhal ladina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ce verset, on le récite tout le temps. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit Taqullah haqqa tuqatih, bima'na an yuta'a wa la yu'sa. C'est-à-dire qu'Allah doit être obéi et ne doit pas être désobéi. Donc voici, craignez Allah avec ses vrais droits. Les vrais droits de la crainte d'Allah, c'est le fait qu'il soit obéi, non désobéi. An yuska wa la yunsa. Qu'il soit évoqué et qu'il ne soit pas obéi. Donc obéi, pas désobéi. Évoqué, pas oublié. Le fait que tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, lire le Coran, le hadith, tout ce que tu veux. Le mouhim, le fait de, en vérité, de ne pas oublier l'islam. Wa an yushkar wa la yukfa. Le fait de le remercier et de ne pas être un grand envers, de ne pas en vérité mécroire. Tu vas donc remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il t'a donnés, mais tu ne vas pas en vérité renier tous les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Tu comprends? Tu ne dois pas oublier en vérité tout ce qu'Allah Azza wa Jal a fait. Donc c'est quoi? Un yuta. Voilà, yursa. Qu'il soit obéi, qu'il ne soit pas désobéi. Un yuska, voilà yunsa. Qu'il soit évoqué, pas oublié. Et sinon, un yushka, voilà yukfa, qu'il soit en vérité donc remercié. D'être en vérité, donc, tu dois être reconnaissant envers Allah et tu ne dois pas être un grand. Voilà. Et Anas dit, radhiallahu anhu, donc. لا يتقي العبد الله عز وجل حق تقاته حتى يخزن يعني يخزن لسانه. La personne ne va pas craindre Allah Azza wa Jal que si elle retient sa langue. Qu'elle ne profère pas en vérité des mauvaises paroles. Parce que c'est le membre qui commet le plus de péchés, c'est lui. Tu fais, tu dis, tu. Avec ça, on peut mentir, on peut médire, on peut. Énormément de choses. Hein? Voilà. Donc, énormément en vérité de choses. Donc bien sûr il y a d'autres explications par rapport à ça. Donc Inch'Allah, donc on aura l'occasion de continuer avec ce livre, parce qu'il y a encore on n'a vu que la moitié du livre. Donc c'est pour vous dire, hein, on est en passant des versets, mais on prend toutes les portes, même si on passe quelques versets. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.